ma meilleure vie, loin des photos sur les bateaux où la mer est turquoise. Avec maman tu es ma vie, je lui raconte mes problèmes. Elle me donne son avis, elle me donne son avis. Ça me voit, ça vient comme des fourmis. Je peux plus honnête sans c'est plus dans la ville. Faut pas faire ça.